No one like you. Hey.

my love. I love. Que viene de África. Yo me apelé Benjamin. Je viens de l'Afrique, je m'appelle Philippe. J'ai acheté un slip. Le drapeau du Brésil. Et je me cache. J'ai acheté un slip. Avec le drapeau du Brésil. Je me cache et je le cache à mes amis et je le cache pour éviter les ennuis. Rasta, Rasta, baby, Farai. Where is Rastafari? Drum set. C'est from d'Africa que je viens de l'Afrique. Africa now. Rastafari. Ooh. Rastafari mix. Bitch, I find Rastafari.